Bonjour et bienvenue à tous et à toutes sur Radio Phagette pour votre émission de vulgarisation scientifique Mi-Science Impossible. Si vous ne nous connaissez pas encore, bienvenue. Mi-Science Impossible, c'est une émission durant laquelle les agents Justine, bonjour Justine. Bien, bonjour Bertrand et bonjour à tous. L'agent Gaëtan, bonjour Gaëtan. Bonjour les agents et bonjour à tous nos auditeurs. Et moi-même, tous les trois élèves à l'ENSIC, vous explique à chaque émission le fonctionnement de quatre phénomènes physiques ou chimiques. D'ailleurs, si vous ne le saviez pas, l'ENSIC est une école d'ingé située en vieille ville de Nancy, dans laquelle on apprend comment fabriquer des produits chimiques, produire de l'énergie à grande échelle, ou plus simplement passer de l'échelle du laboratoire à celle de l'industrie. On y étudie la physique et la chimie dans le thème de l'énergie et de l'industrie. Il est maintenant temps de prendre connaissance avec les sujets du jour. Gaëtan, de quoi vas-tu nous parler ? Et pour ma part, je vais vous parler de ce que vous utilisez tous les jours, à savoir les écrans tactiles. C'est vrai que de nombreuses théories circulent sur leur fonctionnement, mais quelle est la vérité ? Nous verrons. Ensuite ? Ensuite, je vous parlerai des miroirs sans teint. Alors, je ne sais pas exactement ce que c'est quand tu le dis, alors j'ai hâte de savoir comment ça fonctionne. Justine, de quoi vas-tu nous parler ? Bien, je vais dans un premier temps clore le thème du nucléaire en vous parlant du traitement des déchets nucléaires. Et ensuite, je vous parlerai des micro-ondes et de comment ça marche. Mais quel programme ! Il est grand temps de passer aux explications. Justine, nous t'écoutons. Nous allons aujourd'hui clore cette petite série sur le nucléaire avec la dernière étape qui est donc le traitement de ces déchets. Plus particulièrement du combustible usagé, qui est toujours l'uranium. Sa durée de vie étant d'environ 3 ans, il faut bien le changer à un moment. En effet, au cours de sa vie, des produits de fission se forment perturbant la réaction en chaîne dont on avait parlé il y a 2 semaines, avec, je vous rappelle, les neutrons. Mais évidemment, ça ne se fait pas n'importe comment. On ne manipule pas des éléments radioactifs comme ça à main nue pour les mettre à la poubelle, évidemment. Bien, comme on avait dit, le réacteur se trouve dans l'eau, comme une grande piscine. Alors nos tubes de combustible, eh ben, on va aller les mettre dans une autre piscine pendant environ 1 an, où on va les laisser refroidir, et pour que leur activité diminue. D'ailleurs, ce combustible usagé, il contient encore de l'uranium-235 intact et un produit de fission comme le plutonium. Ce combustible va être transporté de façon hautement sécurisée, vous imaginez bien, jusqu'à une usine de retraitement, comme à La Hague, dans la Manche. Les tubes sont transportés dans des conteneurs appelés châteaux, avec une paroi blindée pour bloquer les rayonnements. Une fois déchargé, le combustible est remis dans une piscine pour 3 à 5 ans. Ensuite, les tubes combustibles, qu'on appelle les crayons, je vous rappelle, sont cisaillés en tout petits morceaux, puis plongés dans de l'acide pour dissoudre le tout. Ensuite, on peut trier les éléments. Donc d'un côté, on met l'uranium et le plutonium, et de l'autre, d'autres produits de fission. Ces derniers vont être d'ailleurs fondus avec du verre et seront donc pris au piège dans une matrice en verre pour ensuite être mis dans des puits sous terre. Évidemment, il faut faire très attention à comment on stocke ces déchets, car une fuite dans l'eau ou dans l'air serait catastrophique, car cela contaminerait tout ce qu'il y a autour de nous et qu'on va potentiellement manger par exemple. L'uranium qui a pu être récupéré est sous forme liquide et il va être envoyé dans d'autres usines où il sera remis en forme pour l'utiliser dans de nouveaux crayons. Le plutonium quant à lui est mis sous forme de poudre et pourra être réutilisé dans un autre combustible. D'autres déchets moyennement radioactifs sont coulés dans du béton. L'idéal serait ensuite de les enfouir sous terre, mais le site d'enfouissement est encore à l'étude. Et d'autres études sont aussi en cours pour, bien sûr, trouver comment réduire le volume de ces déchets. Donc, si j'ai bien compris, une partie des déchets nucléaires d'aujourd'hui est potentiellement le combustible de demain, une autre partie est déjà réutilisée et la dernière partie est stockée en attendant de savoir quoi en faire. C'est bien ça ? Mais c'est exactement ça. Merci beaucoup, Justine, pour ces 3 chroniques du coup, qui nous ont permis d'en savoir beaucoup plus sur le nucléaire. Pour le moment, il est temps de faire une petite pause musicale avec Invisible Touch de Genesis et on se retrouve tout de suite sur Radio Phagette. Nous sommes de retour sur Radio Fadjet et vous êtes en plein cœur de votre émission de vulgarisation scientifique préférée, Mi-Science Impossible. Justine venait de nous parler du traitement des déchets nucléaires. N'hésitez surtout pas à aller réécouter cette émission en podcast sur YouTube ou sur le site de Radio Fadjet. Il est à présent temps d'écouter l'agent Gaëtan qui va tout nous expliquer sur les écrans tactiles. Tout à fait, Bertrand. Les écrans tactiles, donc. Cette technologie est tellement ancrée dans notre quotidien qu'on ne se pose pas forcément la question de comment ça marche. Utiliser son smartphone ou commander des tickets de cinéma à une borne, quand ils sont ouverts, ces actions nous sont aujourd'hui si intuitives qu'on en oublie le principe qui est caché derrière. Déjà, quand on parle des écrans tactiles, on peut séparer cette grande famille en deux branches. La première catégorie sont les écrans tactiles dits résistifs. C'est la première qui soit apparue sur le marché d'ailleurs. Elle est très utile pour les bornes de retrait de billets, mais aussi, comme je l'ai dit au début, dans n'importe quelle borne de cinéma ou de restaurant où l'on commande avant de rentrer s'installer. Pour ces objets, l'écran tactile agit ainsi. En fait, sur l'écran sont disposées deux couches d'un matériau conducteur, et ces deux couches sont séparées par des minuscules picots qui vont servir à isoler les couches entre elles. Quand nous appuyons dessus avec notre doigt, on permet aux deux couches de rentrer en contact, et comme les matériaux sont conducteurs, un signal électrique permet d'identifier que l'on appuie sur l'écran. C'est comme lorsqu'on appuie sur un interrupteur pour établir le contact et allumer la lumière. Chaque toucher du doigt sur l'écran agit comme si on appuyait sur un interrupteur qui donnait à la borne l'information qu'on exerce une pression sur son écran. Mais alors là, vous allez sûrement me dire... Bon, d'accord, là le contact il est établi. Mais comment l'écran repère précisément l'endroit où on a appuyé ? Eh bien c'est une très bonne question. Et c'est tout simple en fait. L'écran est quadrillé selon deux axes. Pour les plus matheux, il y a l'axe horizontal, l'axe des abscisses, et l'axe vertical, celui des ordonnées. Pour ceux qui le sont un petit peu moins, c'est comme à la bataille navale. Les lignes sont indiquées par des lettres et les colonnes par des chiffres. Et donc, quand on appuie, un logiciel intégré à l'écran va déterminer les coordonnées d'un point d'impact, B9, A4, etc., etc. Mais ce n'est pas ce qu'on retrouve dans les smartphones et les tablettes. Pour ces objets, on parle d'écran tactile capacitif. En fait, on va déposer en dessous de la surface de protection de l'écran deux grilles conductrices. Lorsque notre doigt exerce une pression sur le téléphone, il va perturber le champ électrique qu'il y a entre les deux grilles. C'est parce que notre doigt porte des charges électriques. Et oui, le corps humain est porteur de charges électrostatiques. Et donc en appuyant sur l'écran, et par conséquent sur les grilles, les charges positives du doigt vont attirer les charges négatives qui se trouvent sur les grilles, et c'est comme ça que le champ électrique de base est perturbé. La variation va être détectée par des capteurs qui sont situés aux quatre coins de l'écran, et qui vont traiter le signal et exécuter l'action souhaitée. Donc, pour résumer, pour l'écran tactile résistif, le doigt remplace le clic d'une souris. L'inconvénient est qu'il faut bien appuyer fort pour que le contact se fasse. Et puis on ne peut ni appuyer à plusieurs endroits en même temps, ni faire dérouler l'écran en faisant glisser son doigt. Pour les écrans tactiles capacitifs, la concentration de charge électrique en un point de l'écran est provoquée par la pression du doigt. Elle est alors détectée par des capteurs et est traitée informatiquement. Cela permet d'exercer de faibles pressions sur l'écran, de faire défiler une page internet et surtout de faire du multi-touch, c'est-à-dire de poser plusieurs doigts sur l'écran et qu'ils soient tous détectés, ce qui est très pratique quand on veut zoomer sur un élément de l'écran. Eh bien, c'était limpide. Merci énormément, Gaëtan. Tu nous as donc expliqué le fonctionnement des téléphones. Maintenant, c'est au tour de Justine de nous expliquer le fonctionnement d'un autre appareil de notre quotidien, j'ai nommé le micro-ondes. Et c'est exactement ça. Alors, je vais vous exposer quelque chose que quasi vous tous, je pense, avez chez vous. C'est le micro-ondes. Pour réchauffer des choses, évidemment. Déjà pour la petite histoire de sa découverte, c'est en fait un ingénieur dans les années 40 qui travaillait sur les radars et il utilisait des appareils qui sont des magnétrons. Il s'est rendu compte de quelque chose, c'est que en laissant son repas à proximité, eh bien il avait chauffé. Il s'y intéresse alors un peu plus et son prototype de micro-ondes faisait 1m80 de haut pour 340 kg. Pas super pratique. Bien sûr, il va ensuite se démocratiser et devenir plus comme on le connaît. Mais voyons plutôt ce qui se passe là-dedans. Dans le système se trouvent une anode et une cathode. Bon, peu importe ce que c'est précisément, mais c'est un peu comme le pôle plus et moins d'une pile. Entre les deux circule un courant électrique, et ce courant est toujours composé d'électrons, comme d'habitude, Oui, encore eux. Un ensemble d'aimants va créer une sorte de tourbillon d'électrons. Des cavités et des lames sont aussi présentes autour et cela va créer un champ magnétique puissant entre les deux. On a alors nos micro-ondes. Elles sont récupérées par une antenne qui les envoie vers un guide d'ondes. Elles arrivent enfin à une hélice, puis à un brasseur d'ondes. C'est ce dernier qui va projeter donc des ondes dans le four. Vous voyez qu'il y a quand même un long chemin avant d'avoir les ondes qui nous intéressent. Mais ensuite, surtout, que vont faire ces ondes? Parce que le but, c'est quand même de chauffer la nourriture que vous avez mis dedans. Le principe est que dans les aliments, eh bien, il y a des molécules d'eau, évidemment. Et que quand vous ne faites rien, ben, ces molécules, elles sont désordonnées, voilà, elles font leur petite vie. Mais les micro-ondes vont les pousser à s'orienter dans le sens du champ électrique. Elles vont alors se mettre à osciller à la même fréquence que le champ magnétique. C'est cette oscillation qui va générer de la chaleur, qui va se transmettre à toutes les molécules. Et rassurez-vous, les ondes qui peuvent s'échapper sont en quantité très faible pour que ça ait un impact sur nous. De plus, il ne faut pas mettre d'éléments métalliques à l'intérieur, sinon vous allez faire des étincelles, sans mauvais jeu de mots. Merci Justine. Aussi, il faut faire attention à ne pas mettre d'animaux vivants dedans. C'est débile de le dire, mais c'est déjà arrivé aux États-Unis. Et disons que le chien n'a pas très bien réagi. Sur ce, je vous coupe dans votre envie irrépressible de visualiser ce qui est arrivé au pauvre chien, et on se retrouve tout de suite sur Radio Fadjet après avoir écouté Hot Stuff remixé par Kaigo. Sur Radio Fadjet, et vous êtes en plein cœur de votre émission de vulgarisation scientifique Mi-Science Impossible. Justine venait de nous expliquer le fonctionnement des micro-ondes, alors n'hésitez pas à aller écouter à nouveau cette émission en podcast ou sur YouTube. Il est à présent temps d'écouter l'agent Gaëtan, qui va tout nous dire sur les miroirs sentins. Alors, je vais vous emmener à la découverte d'un objet utilisé dans toutes les séries policières américaines, la vitre sentin. Idéal pour analyser l'interrogatoire d'un suspect, mais aussi très utile dans la vie courante pour ceux qui ne veulent pas qu'on puisse voir ce qu'il y a à l'intérieur de leur voiture. Je vous le dis d'avance, le principe est le même. Le fonctionnement est tout simple en réalité. Il repose sur deux piliers. Tout d'abord, sur un plan matériel, la vitre est recouverte d'une pellicule métallique qui ne rend pas la vitre totalement opaque, mais du moins semi-transparente. Grâce à ça, la vitre a un très faible coefficient de transmission. Alors la petite parenthèse sur cette phrase, pour bien la comprendre, il faut savoir que lorsqu'un rayon lumineux arrive sur une vitre, une partie de la lumière est réfléchie, c'est-à-dire qu'elle rebondit sur la surface de la vitre et ne la traverse pas. Tandis qu'une certaine proportion de la lumière incidente va, elle, traverser la vitre. Le coefficient de transmission d'une vitre est donc un indicateur de la quantité de lumière qui va traverser la vitre par rapport à la quantité de lumière qui arrive sur la vitre. Un miroir va avoir un coefficient de transmission nul, puisqu'il renvoie toute la lumière qui arrive sur lui, et c'est bien pour ça qu'on peut se préparer devant tous les matins. Mais revenons à nos explications. La vitre dans la salle d'interrogatoire a un très faible coefficient de transmission. Tout rayon lumineux qui arrive dessus est en partie réfléchi, donc comme s'il rebondissait sur la vitre, et une infime mais vraiment minuscule partie traverse la vitre. Ça, c'est le premier pilier de l'explication. Le second est encore tout simple. Il faut jouer sur la luminosité entre les deux pièces. J'entends par là la luminosité de la salle d'interrogatoire et l'arrière-salle où le reste de la brigade de police suit l'interrogatoire. Donc la salle d'interrogatoire doit être très éclairée. Comme ça, il y a beaucoup de lumière qui arrive sur la vitre, donc beaucoup qui réfléchit, et la vitre agit comme un miroir, entre guillemets. Et l'avantage d'éclairer fortement fait que même si une grande partie est réfléchie, la lumière qui est transmise suffit pour que les enquêteurs qui sont dans l'arrière-salle voient le déroulement de l'interrogatoire. Mais ce n'est pas tout. L'arrière-salle doit, quant à elle, être assez sombre pour que peu de lumière arrive sur la vitre de l'autre côté, et donc une minuscule partie la traverse et arrive dans la salle d'interrogatoire. Ainsi, ça ne bouleverse pas l'effet miroir qui se trouve de l'autre côté. Et pour les vitres sans teint des voitures, c'est la même chose. L'intérieur de la voiture, c'est l'équivalent de l'arrière-salle peu éclairée, et l'environnement extérieur joue le rôle de la salle d'interrogatoire très éclairée. Pour annuler cet effet, il suffit tout simplement d'éclairer fortement l'arrière-salle, et l'effet miroir disparaît. On voit alors une superposition des 10 images rendues par les deux salles. Pour la voiture, il suffit de coller son visage à la vitre et mettre ses mains autour des yeux pour les isoler de la lumière environnante. Et c'est ce qu'on fait d'ailleurs assez instinctivement quand on veut voir l'intérieur. C'est donc pour ça qu'on entend souvent les gens parler de miroir sans teint. C'est, comme je vous l'ai dit, parce qu'on a une grosse partie des rayons lumineux qui sont émis et diffusés dans la salle, qui vont être réfléchis en quasi-totalité. On devrait donc plus parler de verre sombre que de miroir. Enfin, ça, c'est si on veut être très pointilleux. Et maintenant, je vais penser qu'à ça pendant les scènes d'interrogatoire dans les séries. Merci beaucoup. Bon, tant pis. Pour me changer les idées, je vous propose de passer au quiz. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, je suis partant, bien sûr. Évidemment. Alors, je vais vous poser une question simple pour commencer. Est-ce que vous savez ce que sont les cryptides? Je ne sais pas. Comme ça, je crois pas, non. Ça me D'accord. dit rien. Alors, j'ai posé la question ouverte, maintenant je vais donner les possibilités. Est-ce que les cryptides sont des petites sépultures, des animaux ou un groupe de musique? Des animaux? Effectivement. Oui et non. J'allais dire la même chose. T'as aussi, oui. En fait, Ouais. un cryptide est une créature dont l'existence n'a pas été prouvée scientifiquement. Ah, Vous allez me ok. dire, c'est très vague. Et oui, c'est extrêmement vague, parce que les cryptides sont divisés en pas mal de catégories. Catégories allant de animal qui existe, mais qu'on a retrouvé dans un habitat qui n'était pas son habitat d'origine. Par exemple, si tu trouves un éléphant dans tes toilettes, c'est un cryptide. C'est extrême, mais c'est un cryptide. D'accord. Si vous trouvez une loutre, mais de 6 mètres de haut, c'est un cryptide aussi. Donc c'est un animal qui a une ressemblance avec un animal connu. Si vous trouvez un dragon, c'est un animal mythique, c'est aussi un cryptide. Et si vous avez vu une espèce de bestiole au fond de votre jardin et que vous vous êtes rendu compte le lendemain qu'en fait c'était votre voisin qui avait construit un truc pour vous faire peur, c'est un canular avéré. Et c'est aussi une catégorie. Ah oui, quand En même. fait, Et c'est j'ai une juste. question. Oui. Si on met le chien dans le micro-ondes qui n'est pas de son état naturel, c'est aussi un cryptide ou pas? Non, c'est de la maltraitance animale, ça. Sortie. Ah oui, c'était pour savoir. D'ailleurs, ceux qui travaillent dans ce domaine, donc c'est le domaine qui est appelé la cryptozoologie, ce sont les cryptozoologues. Et concrètement, leur boulot, c'est de montrer que la bestiole existe ou non. Si elle existe, alors c'est plus leur boulot, c'est le boulot des scientifiques. Donc en fait, ils travaillent activement à ne plus avoir de boulot. J'aime bien ce Oh, genre de. joli. Donc du coup, vous l'aurez peut-être deviné, aujourd'hui, je vais tester votre connaissance des cryptides. Ok. Alors, si je vous dis, je suis poilu, je suis humanoïde, on me connaît principalement pour l'énorme taille de mes empreintes de pas qu'on a retrouvées. Et on a même retrouvé certains de mes poils qui, depuis, ont été testés et on sait que ce sont des faux poils. Qui suis-je? Le Yeti? C'est pas une... C'est un Ah. cousin du Yeti, le cousin américain des Yetis. Bigfoot. Exactement, c'était Bigfoot. Bravo. Maintenant, je vais voir si jamais vous connaissez le cryptide le plus connu de France. Je suis une espèce de chamois qui vivrait dans les Alpes et j'ai les pattes de droite plus longues que celles de gauche, ce qui me contraint à ne me déplacer que dans le sens anti-horaire sur la montagne, parce que sinon je tombe. Est-ce que vous me connaissez? Oui, moi je connais. Moi je l'ai aussi. Allez-y. C'est le Dahu. Exactement. Ah, je suis content. Je suis content que vous connaissiez. J'ai passé tellement de temps dans les Alpes que bon, toujours rêvé d'en voir, mais malheureusement, c'est un cryptide. Enfin, tu me diras. On l'a dit tout à l'heure. On n'a pas encore prouvé scientifiquement que ça existait. Pas prouvé que ça n'existait pas. Ne jamais Cryptide dire jamais. suivant. Hey, je raconte ça après. Si je vous dis, je vis dans la mer, je terrifie les marins depuis des générations, on me représente le plus souvent sous la forme d'un poulpe géant. Qui suis-je? Je l'ai. Non, je pense pas l'avoir, ça. Ah, bon, alors, indice supplémentaire. Je suis un animal de compagnie dans Pirates des Caraïbes. Ah, mais j'ai pas Okay. regardé, donc. T'as pas regardé. Je pense que je peux donner. Ma Vas-y. proposition, c'est le Kraken. Exactement. Ok. Tu connaissais pas le Kraken, Justine? Non, le nom ne dit rien. D'accord. Voilà, faudra qu'on en discute. Allez, quatrième et dernier. Si je vous dis, je vis en Écosse, dans un lac extrêmement connu grâce à moi. Je ressemble à une créature marine préhistorique et il est organisé tous les ans un concours afin de trouver les meilleures preuves de mon existence. Qui suis-je? Justine, si tu lâches, je te la laisse. Le Loch Ness. Exactement. Nessie, le monstre du Loch Ness. Pour revenir à ce que tu disais, alors techniquement le quiz est terminé, mais pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, Gaëtan, on trouve tous les ans des centaines de milliers de nouvelles espèces et on a centaines, excusez-moi, des milliers, ça suffira. Mais il y a eu une expédition qui a été lancée dans le 19e siècle par les Européens, donc en Chine, pour trouver des pandas. Donc ils savaient que ça existait, et ils savaient même où les pandas étaient. Ils ont cherché pendant plus de 80 ans, sans en voir un seul. Ah oui, quand Donc je me dis, même. si un ours a pu échapper pendant 80 ans à des expéditions d'hommes qui savaient non seulement que ça existait, mais où il se trouvait, alors le Dahu a très forte chance d'exister. Mais c'est ce que je disais, faut jamais dire jamais. Malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin, et c'est ainsi que s'achève cette émission de Mission Impossible. Nous espérons qu'elle vous aura plu et que vous aurez passé un bon moment en notre compagnie. N'hésitez pas à venir sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube. Vous pouvez venir poser vos questions. Nous y répondrons peut-être dans une émission future. Sur ce, on se retrouve dans 2 semaines, le vendredi 30 avril, toujours à 16h, sur Radio Fagette, pour de nouveaux faits scientifiques étonnants. Bonne fin de semaine et à bientôt. À la Ciao! prochaine!